Rambo, Jehovah. Abongi na kembo, Jehovah. Nane tola na.

katika maelfu e baba. Sabana banga ni pempeni ni za mipasani Ulungu ati uzabana banga gogodani ni za segura Ati uzabana banga ni uze Nkaniza nuzonse Niza taniza Umuuse Umuuse Umuuse Umuuse ambuye Yesu Umuuse Asambera Umuuse Asambera Umuuse Nkaniza kuzunga Ou bon bon zè.